Le jeudi 30 mars, ici Dominique Lelièvre et les informations. C'est la fin d'un long et coûteux conflit à l'Université Laval. Le syndicat des 1900 employés de soutien a conclu une entente avec la partie patronale dans les dernières heures. Les employés en grève depuis plus d'un mois retourneront au travail dès demain matin. Leur absence a ralenti l'université de différentes manières, nuisant notamment à la période des admissions. Le conseiller syndical Éric Jean Zubrzycki affirme que l'Université Laval s'est rendue à ses principales demandes. Selon Radio-Canada, l'entente prévoit des augmentations salariales équivalentes au secteur public et les retraités ne participeront pas à l'effort pour réduire le déficit du régime de retraite, comme le souhaitait l'employeur. Le présumé auteur de la tuerie de la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, était de retour au palais de justice ce matin pour une brève audience. Le juge Lemay a autorisé le changement d'avocat de l'accusé après que Maître Jean Petit se soit désisté sans expliquer pourquoi. Sa stratégie pour le procès à venir n'aurait pas convenu à l'accusé, sa famille. L'homme de 27 ans va pouvoir bénéficier de l'aide juridique de l'État. Et présent sur place, le président du Centre culturel islamique Mohamed Yanghi a révélé que sa communauté était toujours terrorisée deux mois après les événements. Le centre se serait adressé à trois reprises à la police en raison d'individus louches aperçus près de la mosquée. Enfin, l'ancien argentier du Parti libéral, Marc-Yvan Côté, revient hanter sa famille politique. Le premier ministre Philippe Couillard s'est défendu plus tôt ce matin d'avoir bénéficié de l'organisateur politique pour sa campagne lors de la course à la direction du parti en 2013. Philippe Couillard affirme avoir demandé personnellement à M. Côté de ne pas s'impliquer dans la campagne et que si cette consigne n'avait pas été respectée, il n'était pas au courant. Des courriels révélés par le Journal de Québec semblent indiquer le contraire, bien que le premier ministre ne soit pas impliqué directement. Marc-Yvan Côté a été arrêté en 2016 par l'Unité permanente anticorruption. Il fait face à plusieurs accusations, dont complot, fraude et abus de confiance. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est généralement ensoleillé aujourd'hui à Québec, maximum de plus 3 et un indice UV de 5 ou modéré. Ce soir et cette nuit, quelques nuages, il fera un minimum de moins 7 degrés. Demain, vendredi, c'est généralement nuageux avec moins 1 degré. Pour la fin de semaine, le soleil sera assez présent. Il fera 3 degrés samedi et 6 degrés dimanche. Présentement à Québec, c'est partiellement nuageux. On a 3 degrés.